J'ai connu Fred avec un sourire qui lui déchirait le visage jusqu'en haut du crâne. J'ai connu Fred avec des yeux pétillants et un regard céleste et mutin. J'ai connu Fred avec une voix enjouée qui était toujours partante et enthousiaste. J'ai connu Fred avec ce sourire que même les fées lui envient, que les princesses jalousent. J'ai connu Fred et j'en suis follement fier car je suis beau et intéressant quand je la raconte. J'ai connu Fred et on a traversé des choses merveilleuses que seuls nos pieds ont jusqu'alors foulées. J'ai connu Fred avec ce sourire qui enforce mille autres, même au plus près de l'échafaud. J'ai connu Fred et ma vie s'est trouvée changée en un tourbillon d'extravagance étincelante. J'ai connu Fred et j'ai des bouts d'ailes gravés sur la peau et dans le cerveau. J'ai connu Fred, elle a vidé son cœur pour me couvrir d'or. J'ai connu Fred, bouillonnant d'idées, de projets fous, jamais à court. J'ai connu Fred avec ce sourire que les anges tentent d'imiter pour accrocher les faveurs d'un dieu. J'ai connu Fred et je l'ai même aimé quelques saisons avant que mon cœur ne meure. Alors je l'ai quitté, comme on quitte un caddie à la fin des courses. Je l'ai entendu se renverser à côté de moi toute la nuit. Malheureuse comme une fontaine abandonnée, et moi j'étais sec comme un lit de rivière déshydraté, la boue solide pétrifiée sur les pierres polies. J'entendais ses larmes taper le drap, j'entendais taper son immense tristesse comme un tonnerre sur la roche, et je n'étais pas ému, rien. L'inhumain en moi s'est éveillé ou peut-être avait-il toujours existé. La contagieuse apathie m'avait contaminé tout entier. J'étais anesthésié de toute émotion, un tortionnaire, un bandit, un salaud, un gros connard, un exterminateur qui aurait pu travailler à Auschwitz dans les chambres à gaz, qui aurait pu expédier de la vie comme des lettres au Père Noël. Parce qu'il n'y avait rien, que des millions de mètres cubes de néant, épais et opaque comme un brouillard aveugle qui stationnait dans ma tronche, dense et concentré pour une lente éternité, à passer mon temps à fabriquer des sentiments, pour encore ressembler à quelque chose, qu'on me croit être quelqu'un à la place de cette machine froide, couverte de métal, féroce et impénétrable. Contre laquelle tu te cognes mille fois, agrandissant la plaie de ton front à chaque choc en te demandant pourquoi c'est si douloureux, alors que je ne sens rien et n'entends que le bruit mat de tes larmes qui tapent les draps. Je rêve d'une île émeraude bordée de turquoise, brûlée par un soleil fier de projeter sa chaleur folle comme la lave jaillie du volcan. Un endroit tranquille avec rien dedans, rien. Pas de chagrin, de bonheur bancal, pas d'amour à moitié pourri, pas de bouche bavarde, de lèvres embrasseuses, de reproches, de cris même silencieux. Pas de poids social pour un cœur d'hermine, pas de flamme à entretenir le jour de tempête. Rien à justifier, rien à déclarer, juste tendre la peau et fermer les yeux, versé par le flot des vagues et le murmure de la résine chaude, avant d'avoir de nouveau envie de parler et d'aimer.